Il ne faut jamais détrousser un mort. Même si l'on fuit au milieu d'un cataclysme de fin du monde, même si ce cadavre porte au doigt un bijou fascinant, qui sait ? C'est peut-être ce bijou qui l'a tué et qui va vous tuer vous-même. Cette histoire commence en pleine guerre de l'ex-Congo belge. Les Blancs, isolés dans les plantations, fuient avec leurs biens les plus précieux. Ils essaient de passer inaperçus à travers la forêt. Certains parviendront au point de rassemblement. D'autres, moins heureux, finiront dans un fourré et leurs cadavres, gonflés par la chaleur, seront dévorés par les animaux sauvages. Michel Gampenon et sa femme Isabelle profitent du jour levant pour se glisser le long d'une piste étroite parmi les arbres géants. Ils portent chacun une valise avec les biens les plus précieux de la famille. Mais pour l'instant, ce qu'il faut sauver, c'est leur vie. Normalement, dans une heure, on devrait arriver au poste militaire. Alors courage. Isabelle ne desserre pas les dents. Elle tient sa valise d'une main et de l'autre, elle se cramponne à celle de Véronique, leur fillette de 7 ans. Maman, regarde, le monsieur là, tu crois qu'il dort ? Isabelle sait que les messieurs ne dorment pas au bord des pistes forestières. Non, Véro, il ne dort pas. Il est mort. D'ailleurs, le cadavre n'a plus que la moitié de son visage. Michel, le fusil à la main, s'approche du malheureux. Il n'aura plus peur de rien, pauvre gars. Véronique observe le corps. Ses parents n'ont plus la force de l'éloigner de ses visions macabres. On ne peut pas traverser un pays en révolution en regardant les nuages. Maman, tu as vu ? Il a une jolie bague, le monsieur. À l'annulaire droit du cadavre, un bijou brille dans la pénombre du fourré. Michel dit : Ah, tu as l'œil. C'est vrai que c'est une belle bague. Isabelle marche déjà en avant-garde. Elle dit d'un ton suppliant : Michel, pressons-nous, j'ai peur. Michel Gampenon répond : On ne peut pas laisser ce cadavre avec une aussi belle bague au doigt, je la prends. Enfin, tu es fou d'étrousser un mort, ça porte malheur. Laisse-lui sa bague. D'ailleurs, elle me fait une drôle d'impression. Mais non, c'est peut-être cette bague qui permettra d'identifier ce pauvre type. Et puis elle est si belle. Ça serait dommage de la laisser à ces sauvages. Il réfléchit un moment. C'est quand même curieux qu'il lui ait laissé ce bijou. Ça a l'air d'être de l'or. C'est bizarre. C'est ainsi que Michel Gampenon devient propriétaire de la bague. Il la glisse dans sa poche et l'oublie. Jusqu'au moment où l'avion qui les ramène en Belgique décolle. Tiens, la bague. Regarde Isabelle, ça représente un serpent, un cobra à collerette. Je n'y connais pas grand-chose, mais ça a l'air plutôt ancien. Ça me rappelle vaguement l'Égypte. Michel trouve que la bague fait très bien à son doigt. Il l'enfile à sa main droite et n'y pense plus. Lui et sa famille parviennent sains et saufs à Bruxelles. Enfin, ils semblent être sains et saufs. Ils ont échappé au massacre. Mais Michel meurt brutalement d'une maladie mystérieuse que personne n'est capable de diagnostiquer. Quelques semaines plus tard, Isabelle retrouve le serpent d'or parmi les affaires de son mari. Elle lui a enlevé avant la mise en bière. Ce bijou me donne la chair de poule. Le jour même, elle vend le bijou à M. Moewitz, qui tient la petite bijouterie antiquaire au coin de la rue. Mais la bague ne va pas très loin. Isabelle, regarde, je viens de faire une affaire superbe. J'ai trouvé une bague en or magnifique chez ton petit brocanteur. Celui qui parle ainsi, c'est Frédéric Larminier, le propre beau-frère d'Isabelle Gampenon. Ils habitent dans le même quartier, mais ils n'ont pas eu l'occasion de se revoir depuis le retour de Michel et d'Isabelle. « Tu l'as acheté ?»« Oh non, je t'en prie, c'est moi qui l'ai vendu. Michel l'a trouvé sur un cadavre et je suis persuadé que c'est cette bague qui l'a tué. »« Dis donc, mon Isou, j'ai l'impression que le Congo, ça t'a drôlement secoué. Tu me diras qu'après tout, après ce qui vient d'arriver... » Frédéric Larminier porte la bague pendant quelques semaines. Un soir, il invite Isabelle et Véronique à dîner. Marie-Louise Larminier, la sœur d'Isabelle, n'attend pas le dessert pour aborder un sujet qui la préoccupe. Frédéric, mon chéri, raconte ton rêve à Isou. Frédéric veut se donner l'air courageux, mais on sent son inquiétude quand il dit « Oh, ce n'est rien ». Mais enfin, il y a une semaine, j'ai fait un rêve bizarre. J'ai vu une sorte de pharaone égyptienne qui m'apparaissait. Et elle me disait « Tu possèdes ma bague royale. Elle a été volée dans mon tombeau. Mais ce bijou porte une malédiction. Jette-le dans le fleuve dès demain, sinon tu mourras. » Isabelle frissonne en entendant ce récit. Frédéric continue. « Évidemment, je ne l'ai pas acheté. Et je suis toujours vivant. » Dans le mois qui suit, Marie-Louise Larminier s'inquiète de ne pas voir son mari rentrer du travail comme d'habitude. La police le découvre dans une ruelle déserte poignardée. On conclut à un crime de rôdeur. Jamais élucidé. Frédéric, sans doute mu par un pressentiment, a laissé une petite note laconique. Si je meurs, je désire léguer mon cobra d'or à Joseph Payeur. Joseph Payeur, un collègue de travail de Frédéric, accepte le legs sans sourciller. Il connaît l'histoire du bijou, il connaît l'histoire du rêve et de la pharaone. Il enfile donc le cobra d'or à son doigt et il annonce « Si cette bonne femme vient me déranger en rêve, elle va trouver à qui parler. » Pourtant, au bout de 6 mois, Joseph Payeur est obligé d'avouer à ceux qui lui trouvent l'air soucieux « Ben oui, moi aussi j'ai rêvé de la pharaone égyptienne. Elle m'a dit aussi que j'avais 24 heures pour jeter la bague à l'eau. » C'est pourquoi personne ne s'étonne trop quand Joseph Payeur meurt à son tour. Un accident de chasse. Il s'est pris les pieds dans une racine et il s'est tué avec son propre fusil. C'est Hector Payeur, le frère de Joseph, qui devient l'héritier naturel du cobra d'or. Mais il ne tient pas à porter le bijou décidément bien maléfique. C'est fou! Ça fait 3 mois que j'essaie en vain de fourguer cette fichue bague. C'est un bijou splendide, mais personne n'en veut. Je l'ai même passé à la salle des ventes, dans une bonne vente. Eh bien, personne ne s'y est intéressé. Ben forcément. T'as raconté l'histoire du rêve et de la malédiction. Les antiquaires, ils sont souvent superstitieux. Personne ne veut tenter le diable. Il ne te reste plus qu'à en faire don au musée de Bruxelles. Si c'est bien un bijou égyptien, et qui plus est royal, seul un musée peut en prendre possession sans craindre le mauvais sort. Isabelle Grandpenant a une idée. Essaie de la revendre à M. Mosévis. Il me l'a bien acheté une fois. Pourquoi pas deux? Mais M. Mosévitz a changé d'avis. Il refuse absolument de reprendre la bague dans sa boutique. Vous savez, pendant que j'avais la bague, j'ai été cambriolé 2 fois. Il y a eu le feu dans ma boutique. Non, non, merci, ça suffit comme ça. En désespoir de cause, Blanche Payeur, la propre femme d'Hector, lui dit « Cet été, nous allons passer chez Henriette à Bruges. Elle trouvera bien un bijoutier intéressé par une bague de cette qualité. » Blanche et Hector Payeur descendent donc 2 mois plus tard, et ils font étape chez Henriette, la sœur de Blanche. Dès le premier soir, la bague en forme de cobra d'or est sortie du petit étui qui la contient. Honnêtement, Henriette, avant que tu te charges d'écouler cette bague, il faut que tu connaisses son histoire, enfin ce que nous savons de son histoire. Je ne voudrais pour rien au monde introduire cet objet chez toi sans que tu saches les risques qu'il pourrait te faire courir. Henriette éclate de rire. Mais vous en faites une tête, mes pauvres cocos. Franchement, Blanche, je croyais que l'éducation rationaliste que nous a donnée papa te mettrait à l'abri de telles élucubrations. Bon, d'accord, Michel Grandpenant est mort, comme tout le monde, et Joseph aussi. C'est ce qu'on appelle une série noire. Mais ce ne sont pas ces quelques grammes d'or qui vont me faire dresser les cheveux sur la tête. À propos, c'est de l'or à combien de carats? Elle examine la bague à l'aide d'une loupe. En tout cas, c'est un bijou magnifique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à l'intérieur de l'anneau, il y a une inscription à demi effacée. Ça serait intéressant si quelqu'un parvenait à la traduire. Moi, elle me plaît bien, cette bague. Combien voudriez-vous en tirer? Blanche et Hector font une moue. Tu sais, n'importe quelle offre sera bienvenue, du moment qu'elle fiche le camp de chez nous. Et si je vous en offrais, disons, 30 000 francs ? Tu es folle ! Bon, j'irai jusqu'à 40 000, mais pas un sou de plus. Mais non, tu ne comprends pas. C'est pas une question d'argent. Si tu veux, elle est à toi pour 20 000. Mais ne fais pas ça. Essaie de bien la vendre, mais surtout, n'en deviens pas propriétaire. Oh, assez de baliverne. Bon, allez, l'affaire est conclue. Demain, je passe à la banque. Je vous paierai en liquide. Allez, tout le monde au lit et bonsoir. Au dehors, la lune illumine le calme des canaux. Tout respire la tranquillité. Tranquillité trompeuse. Dans la nuit même, Blanche est réveillée par un bruit suspect, comme un craquement sinistre du bois. Hector, tu entends ? Hector a entendu. J'arrivais pas à dormir. Cette histoire de bague me turlupine. Rien que de la savoir sous le toit où l'on dort, ça me rend malade. Va voir en bas. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans la maison. Blanche et Hector enfilent leur robe de chambre et descendent le grand escalier de bois qui mène au rez-de-chaussée. Et là, ils constatent que deux ombres s'agitent dans la salle à manger. Hector crie « Ne bougez pas !» Un coup de feu claque. Blanche est mortellement blessée. Elle meurt entre les bras d'Henriette qui est accourue. Les deux hommes s'enfuient. Quand les gendarmes arrivent, Henriette constate que la bague a disparu. Je ne l'avais pas encore payée. Elle appartenait encore à mon beau-frère et à ma sœur. C'est peut-être pour cela que Blanche est morte. La bague a depuis disparu. Où est-elle ? Ne serait-ce pas vous, par hasard, qui avez, sans le savoir, acheté la bague maudite ?